demande pourquoi le monde se fane et que les murs s'effondrent. Dans de pensées fades, que le temps se dégrade et que les jeunes se défoncent. Pourquoi mes foncés planent, les sourcils foncés? Pourquoi j'ai presque honte d'être français, forcé de faire ce de quoi je fais le procès? Pourquoi j'achète, qui s'en met plein les poches? Pourquoi je crois plus que nos vies valent cher et que la fin est proche? Pourquoi tout le monde s'en bat de son prochain, rien que ça se fout des crochets? Pourquoi ton frangin tombe dedans sans jamais décrocher? Pourquoi, pourquoi s'écorcher? J'ai soif de vie mais c'est corsé, c'est comme c'est efforts qu'on fait rarement récompensés. Donc on essaie de compenser, mais j'ai que des pensées sombres. Qui donc tire les ficelles, augmente le nombre de pendaisons. Qui sait, disons qu'il y a ce refus collectif de cogiter. Quelle est la suite logique, à qui profite l'absurdité des faits? Pourquoi la surdité persiste, qu'il n'y a que le désespoir que mes thèmes citent? Qu'on suit les lois que la monnaie fixe, pourquoi ça se prétend solidaire? Alors que ceux qui traversent la merde le font en solitaire. Je veux pas de vos somnifères, mais que les hommes se libèrent. Pourquoi entre nos vies et là, leur la somme diffère? Leur crée toutes sortes d'ivresse, dont celle des armes. C'est tout ce qui se passe, là où seul le soleil sèche les larmes. Pourquoi préfères-tu t'abstenir d'agir, hein? Tu te crois civilisé, faire partie de ceux qui savent se tenir. Pourquoi ce message te vise? Parce qu'1% des gens possèdent 50% du globe. Putain, c'est ça que je te dis. Pourquoi ça manque de sacs de riz? De quel côté ça se gave? De quel ça se gâte où y'a peu de larmes de rire? Pourquoi j'ai ce mal de vivre? Pourquoi personne n'avoue que nos impôts financent des guerres alors que tout le monde l'a vu? Pourquoi on s'étonne de se faire tirer dessus? Ça vend des guns par tonne et ce trafiquant n'est pas des quartiers sud. Pourquoi tu me parles d'être libre en même temps d'expression? Alors que le mot censure existe, voici le temps des questions. Pourquoi nous régressons? Pourquoi me donner raison? Pourquoi se modérer quand je sais que mes mots dérangent tes songes? Pas prêt de changer les choses, mais ça je le sais. Message de paix, ce qui fait que la mode c'est de devancer les autres. Pourquoi tu comprends même pas ce que je te dis? Pourquoi tu crois que je suis dans mon monde alors que c'est même pas dans le tien que tu vis? Pourquoi tu te lèves chaque jour? Lesquels t'engraissent qui décident de ton parcours? Mais aussi que c'est courte les rêves. C'est sûrement le dos courbé que je crèverais, tout comme toi. Mais quelle est ton idée de la vie? La mienne est-elle vraie? Rien d'éternel, frère, même une famille soudée. Pourquoi je trouve plus les mots? J'ai juste partout ces infamies saoulées. Pourquoi soudainement le dire? Tout bêtement, parce qu'il faut pas se mentir. Et je crois que la vie ne porte pas de sous-vêtements. Pourquoi le soulèvement des esprits s'étouffe? Pourquoi y a pas de morale? Je suis pas ce connard de type qui sait tout, qui saigne, qui sème la merde. Et tu te crois pas complice? Si tu vois pas qu'on glisse, je te mets devant le fait accompli. Pourquoi des tas de complots? Mais qu'est-ce qu'ils font tous fric qui se tapent le sale boulot? Pourquoi le confort ne m'empêche pas de souffrir? Pourquoi souffrir aux autres tant que ça rapporte pas? Tu vois, c'est ridicule, sauf quand l'Afrique frappe à la porte. Pourquoi reste-t-elle close? Abusives sont les clauses, abrutis parlent des corps. Regarde ces corps, y'a des écoles qui explosent. Pourquoi l'exposer? J'écris des textes exposés. Pourquoi les regards s'arrêtent aux frontières? Merde, on cherche les causes. Pourquoi je me ronge les sangs, qu'on me dit laisse pas tomber? Pourquoi j'espère monter, mais qu'en fin de compte je descends? Je déprime pas que les jours de décembre, mais ce vide qui va le combler. Je veux pas me jeter du balcon pour m'évader, je découpe des samples. T'es fou, j'ai moult exemple. Pourquoi j'ai ce doute? C'est pour parler que je l'ouvre et je suis pas prêt à tout pour que mes couplets se vendent. Pourquoi dehors c'est la course, les fous s'élancent et tous les coups sont permis? Ce qui fait que ceux qui se font doubler se vengent. C'est troublant, franchement. Pourquoi je vois tant de latence que d'étranges embranchements, mais que certains jubilent d'avance? Pourquoi je suis pas le seul qui du père et subit l'absence? Pourquoi je veux que cesse la faim mais qu'il y a autant de pain sur la planche, putain?